Traducción performativa du Checking, le livre chinois des poèmes. Brille l'aube rosée sur ma tête. Pâle, blanche fleur, fleur de pourpre, bleu et écarlate. Je ressens de l'agitation. Dans les tendres et vertes herbes, quelque chose a fait du bruit. J'ai senti les sons qui font les pieds qui passent, mais ce fut juste les cris d'une sauterelle. J'ai monté à la colline quand la lune sortait et je l'ai vu venir par le chemin du sud. Mon cœur n'a plus de malaise.